Oui, c'est des oreilles. Il y a des enfants qui vont être privés dans ses oreilles. Et mon école va venir. Si tout mon école va venir, je vais dire « Allez, Iris, allez, Iris, la maman de Iris. » Ton amoureux. Oh non, j'ai pas d'amoureux, moi, j'ai pas d'amoureux. Ok, on m'a mal de l'école. Et à la fête de l'école, elle avait fait un bisou sur la bouche de Pierre-Victor.